qui me combattent. Attaque ceux qui m'attaquent sans raison. Saisis le bouclier, l'écu. Lève-toi pour me porter secours dans la saison. Brandis la lance, ferme la route à ceux qui me poursuivent en secret. Dis à mon âme, je suis ton salut, je t'appartiens, ne me laisse pas tomber. Qu'il soit confus et honte, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'il recule et rougisse, ceux qui méditent ma ruine et ma folie. Ils tendent à filer sans cause, ils creusent une fosse pour me faire tomber. Que la destruction les atteigne à l'improviste, et qu'ils soient pris dans le piège qu'ils ont creusé. Oh, oh, oh, mon âme se réjouira en l'Éternel. Magnifié soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur. Et...